Bienvenue dans ce quatrième numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de la chanson Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Commençons par une petite présentation du groupe. Alors il est fondé en 1964 en Floride par une bande de potes originaires d'un même quartier de Jacksonville. On a Ronnie Van Zant au chant, Gary Rosington et Allen Collins à la guitare, Bob Burns à la batterie et Larry Johnstrom à la basse. Lynyrd Skynyrd fait partie des fondateurs du style Southern Rock, c'est le rock sudiste. Et c'est un rock influencé par la country, le blues, la soul. La première vie du groupe finit de façon tragique en 77 par un accident d'avion. Il y a trois membres qui disparaissent, le chanteur, un guitariste, une choriste, mais aussi leur manager et les deux pilotes. 10 ans plus tard, les survivants font une tournée en leur hommage et devant le succès, ils continuent l'aventure. Et à l'heure actuelle, leur dernier album, c'est le 14e, et il est sorti en 2012, mais de la formation originale, il reste plus que Gary Rosington. Mais revenons un peu en arrière. Pendant les premières années, ils changent pas mal de fois de nom, et l'origine de Lynyrd Skynyrd, c'est assez marrant. En fait, ça vient du nom d'un prof de sport ultra sévère qui renvoya pas mal de fois du lycée Gary Rosington, le guitariste. Et il s'appelait Leonard Skinner. Pendant un concert, Ronnie Van Zant, pour se moquer de Gary, demande au public d'applaudir s'ils veulent que le groupe change de nom. Pour Leonard Skinner. Le prof ayant une grosse réputation, la foule applaudit et le groupe change de nom. Ensuite, pour pas avoir de problème juridique, il transforme Leonard Skinner en Lynyrd Skynyrd. C'est en 1974 que la chanson sort, sur le deuxième album du groupe, Second Helping. Et en attendant l'arrivée de tous les membres pour les répétitions, Gary joue un riff qu'il a en tête et il le joue encore, encore et encore. Ron y trouve les paroles et un troisième membre vient mettre sa touche. C'est l'ancien bassiste du groupe, Ed King. Et il est passé à la guitare depuis pas très longtemps. Et du coup, en fait, le riff de son pote, ça l'inspire et, selon la légende, les notes des sauts de guitare lui sont venues une à une dans un rêve. Admettons. À première vue, c'est une petite chanson sympathique avec un air joyeux. Mais derrière toute cette empathie, se cache une plein de contradictions. Et elle a créé pas mal de polémiques à sa sortie. Bon après, faut se remettre un peu dans le contexte. On est seulement quelques années après le mouvement des droits civiques aux US, qui était en fin des années 60. Et dans un premier temps, on pense que c'est une attaque personnelle, le début d'une bagarre avec le très célèbre rocker Neil Young. Parce que dans deux morceaux, il critiquait les gens du Sud qui qualifiaient de racistes, d'arriérés. Et mettre tout le monde dans le même panier comme ça, ça a pas plu à Lynyrd Skynyrd. Et du coup, ils lui ont répondu dans Sweet Home Alabama. Et c'était juste une réponse au morceau que le gars avait fait. C'était pas une attaque personnelle. Et d'ailleurs, ils sont assez fans et c'était réciproque. Plus tard, ils font faire des morceaux ensemble. Ensuite, à cause de ce morceau, ils ont été eux-mêmes pris pour un groupe raciste. Dans un couplet, ils parlent du sénateur de l'époque, George Wallace. Et lui, c'est un type ouvertement pour la ségrégation raciale. Et si on écoute mal, on peut effectivement prendre ça pour un soutien. Mais en fait, c'est tout le contraire. Après la phrase qui choque, les choristes, elles font des bouh, et qui montrent bien le désaccord, mais de façon un peu subtile, quoi. Sans doute un peu trop. C'est le problème de Lynyrd Skynyrd, ils aiment bien l'ironie et le second degré. Et ça passe pas toujours bien. Je parlais de contradiction, au début je vous ai dit que c'était un groupe floridien. Du coup, comment ils sont arrivés à écrire un morceau à la gloire de l'Alabama? C'est assez simple. Au nord de l'Alabama, il y a un studio très réputé, c'est le Muscle Shoals. C'est là qu'Aretha Franklin, Bob Dylan, il y a les Rolling Stones. puis bien d'autres, hein, qui ont enregistré des albums. Et c'est là que Lynyrd Skynyrd a eu la chance d'enregistrer leur premier album. Du coup, ils sortent aussi chez eux en Alabama, et cette chanson, bah, c'est ça, c'est un hommage aux Sud-Américains, quoi. Les controverses sur la chanson durent encore aujourd'hui, mais ça n'empêche pas le morceau d'être un standard du rock. Et il fait même partie des 500 meilleures chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone. Et comme tout bon hit, bah, on a droit à plein de reprises. Mais pour ce numéro, je vais juste vous faire écouter trois adaptations. Donc c'est pas vraiment des covers, quoi, c'est des chansons qui ont été reprises avec des paroles différentes. Alors on a droit à une version française, et eh oui, avec notre Johnny Hallyday national. C'est sur un texte d'Eddie Mitchell. Des fleurs de coton qui poussent, s'envolant vers un ciel bleu, me rappelle que le blues et les sous des jours heureux, jours heureux. Carte postale d'Alabama, vos couleurs sont dépassées. Maintenant, c'est une version espagnole de Siniestro Total, et où il chante une ode à la Galice. Et au lieu que le ciel soit bleu comme en Alabama, bah là, le ciel, bah, il est gris. Et maintenant c'est Metallica, avec Dave Mustaine qui a écrit une partie de la chanson The Four Horsemen sur l'album Kill 'Em All. Et en fait il a complètement utilisé le riff de Sweet Home Alabama. J'avais dit trois morceaux, mais en fait, je vais vous faire un petit bonus avec une version de Nirvana. C'est une impro pendant le MTV Unplugged. Et c'est la fin de ce numéro. Et si vous voulez partager votre avis avec moi, comme toujours, bah vous pouvez me contacter sur Twitter, @YannickDoc ou @82BPMPodcast. Et l'émission est dispo sur Podcloud, podcloud.fr, et aussi sur iTunes. Allez, à bientôt! Define irony. Bunch of idiots dancing on a plane to a song made famous by a band that died in a plane crash.